une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode, Élise Gruau et Véronique Samouilov vous ont raconté l'enfer. Nous sommes dans 1816, c'est l'histoire du naufrage de la frégate coloniale La Méduse, échouée sur le banc de sable d'Arguin, pourtant bien connu des navigateurs, situé à une soixantaine de kilomètres des côtes de l'actuelle Mauritanie. 149 marins et soldats, dont une femme, s'entassent sur le radeau de Fortune, non prévu pour transporter des hommes. Long de 20 mètres et large de 7, il menace d'être submergé lorsqu'il est pleinement chargé. Le radeau dérive vers le large. À bord, c'est le chaos. La peur, la faim, le manque d'eau douce, la violence prennent le dessus. On jette des blessés par-dessus bord, on se bat, on s'entre-dévore. Tout de suite, le second épisode de l'histoire incroyable du radeau de la Méduse. Le 2 juillet 1816, à 3h du soir, la frégate La Méduse, qui allait porter au Sénégal le gouverneur nommé par le roi, a fait naufrage à 20 lieues du Cap Blanc. Journal des débats, 1816. Les circonstances de ce désastre sont inouïes dans les fastes de notre marine. Le détail en a été rapporté par la corvette L'Écho, qui a recueilli 15 hommes naufragés. Ces malheureux ont été pendant 13 jours sur un radeau à 15 lieues en vue de la côte, ayant de l'eau jusqu'aux cuisses, sans pouvoir faire un mouvement ni en avant ni en arrière. De 147 hommes qui avaient cherché leur salut sur ce radeau construit à la hâte au moment du naufrage, il n'en est resté que 15, qui auraient fini par s'entre-dévorer comme l'avaient fait leurs compagnons d'infortune, jusqu'à l'instant où la corvette les a recueillis comme par miracle. La Méduse, les naufrages du siècle. Deuxième épisode, le sort tomba sur le plus jeune. Élise Gruau, Véronique Samouilov. Les rescapés ont témoigné d'abord dans un rapport officiel qui a été rédigé par l'officier de santé qui était sur le radeau, qui a survécu, qui est un des 15 survivants, il s'appelle Savigny. Jacques-Olivier Boudon. Donc sur le bateau qui le ramène en France, à la fin du mois d'août 1816, il rédige un rapport destiné au ministre de la Marine, où il raconte ce qui s'est passé, le naufrage, le déplacement sur le radeau, et il explique que pour survivre, des hommes ont consommé de la chair humaine. Ce rapport était destiné à rester secret, mais pour des raisons diverses, il est divulgué, la presse le publie. À partir de ce moment-là, on découvre ce qui s'est passé sur le radeau, et puis on a d'autres témoignages, et par exemple d'officiers qui étaient sur le navire qui a porté secours aux naufragés, et qui relatent qu'ils aperçoivent sur le mât des morceaux de viande qui sèchent au soleil. Donc là aussi, ils sont choqués, ils le rapportent. Bref, on a quand même un faisceau de convergents de témoignages qui attestent qu'on a consommé de la chair humaine sur le radeau. Comment est-ce qu'on passe d'un drame maritime à un scandale politique dans l'affaire de la Méduse ? Le drame est lié à l'incompétence d'un commandant, du roi de Chaumaret, qui finalement va focaliser les critiques que l'on va faire à la monarchie restaurée d'avoir placé à la tête de ce navire un homme incompétent. Or, du roi de Chaumaret, c'est le prototype de l'officier de marine d'ancien régime qui est complètement encore dans l'idée qu'il faut lutter contre la révolution, etc. C'est un représentant du parti ultra. Ce parti ultra qui est au pouvoir depuis les élections d'août 1815, avec la formation de cette chambre qu'on appelle la chambre plus royaliste que le roi. Cette chambre qui, précisément au moment où reviennent les rescapés de la Méduse, est dissoute par Louis XVIII. La campagne électorale qui s'ouvre va permettre de critiquer les ultras, et de fait, l'échec du roi de Chaumaret est une aubaine pour les libéraux qui vont s'en emparer, obligeant finalement le pouvoir en place à organiser un procès. Le commandant est jugé par un tribunal spécial militaire à Rochefort et il est condamné. Alors, il échappe à la peine qu'il encourait, qui est la peine de mort. Il va être condamné à 3 ans de prison. Et cette condamnation que l'on essaye de passer sous silence, va relancer encore le débat politique, puisque cela permet aux auteurs Goréard et Savigny, qui racontent leur aventure, cela leur permet de critiquer la sentence. Ils trouvent que la condamnation n'a pas été assez forte, d'autant plus que finalement on le condamne pour avoir abandonné son navire, mais rien n'est dit quasiment du sort des naufragés du radeau. Et donc cela, pour les témoins, pour les rescapés, c'est inadmissible. Et la publication du livre, donc, qui va paraître à la fin de 1817, de Coréard et de Savigny, ce fameux livre que Géricault découvre et qui va inspirer le peintre, ce livre va susciter à nouveau une mobilisation des libéraux. Et donc on voit se développer, entre 1816 et 1817, finalement, une opposition autour de la question du naufrage, entre les ultras qui défendent l'idée que finalement le choix n'était pas si mauvais de ce commandant, et les libéraux qui s'en prennent au régime de la Restauration. La phrase qu'utilisera ensuite Michelet, le naufrage de la Méduse, c'est en quelque sorte le naufrage de la France, c'est un peu le message que veulent faire passer les libéraux. Garde, introduisez le prévenu. Vos noms, prénoms, qualités, domicile. Hugues Duroy de Chaumaret, âgé de 51 ans. Capitaine de frégate, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, résident en cette ville de Rochefort, 14 rue Saint-Michel. Quels étaient les moyens dont vous disposiez pour le sauvetage ? 6 embarcations d'inégale importance, plus le radeau. Les embarcations pouvaient contenir 250 passagers. Il en restait 150 qui furent donc placés sur le radeau. À quel moment avez-vous quitté votre bord ? Mais à la fin de l'évacuation, parmi les derniers hommes. Parmi les derniers ou le dernier ? Dans l'histoire du radeau de la Méduse, il y a incontestablement une question sociale qui se pose, qui est posée d'ailleurs par les acteurs et les témoins, c'est-à-dire ceux qui écrivent, qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler le monde des élites. Ce sont eux qui nous livrent la parole de ce qui s'est produit. En fait, évidemment, comme souvent, les choses sont un peu différentes, et les témoignages provenant d'hommes du peuple montrent qu'en effet, il y a une véritable lutte sociale entre des officiers qui sont armés, qui s'attribuent la plus grande partie des rations alimentaires, et en tout cas de boissons, et ces soldats, dont il faut bien rappeler que pour la plupart, ce sont de jeunes hommes, qui ont une vingtaine d'années, quasiment pas d'expérience militaire, dont on voit bien qu'ils ont peur et qu'ils se battent pour leur survie. De fait, on a pu et on peut faire du radeau une sorte de microcosme des affrontements entre classes. Et c'est d'ailleurs ce qu'a vu Géricault, qui lui y ajoute la touche liée à la lutte contre l'esclavage, puisque sur le radeau, il place 3 noirs. Parmi les rescapés, il n'y en avait qu'un. Ce qui n'est pas anodin parce que les figures de noirs, et on pense en particulier à celui qui est de dos, se tournent vers l'avenir, mais sont aussi en même temps anonymes. Donc il y a cette idée qu'on visualise bien les officiers, mais finalement, pour Géricault, l'essentiel, c'est la présence de ces hommes qui figurent le peuple et qui, finalement, qu'il fait se déployer vers l'horizon, donc vers l'avenir. C'est aussi ce message qu'a voulu faire passer le Géricault. Comfa, vous êtes conservateur de peinture française du 19e siècle au Louvre. Et nous nous trouvons ici dans le Salon Rouge qui abrite le radeau de la Méduse. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, il n'y a pas de public autour de nous. C'est le mardi, jour de fermeture. En général, c'est une salle qui est assez pleine. Est-ce que les gens connaissent beaucoup ce tableau de Géricault ? Oui, le radeau de la Méduse, c'est une des œuvres incontournables que le public vient trouver, sans même parfois savoir qui en est vraiment le peintre. C'est une image tellement forte et qui vient rencontrer, en tout cas se superposer dans la mémoire collective à tellement d'autres images, y compris des images très récentes que l'on peut voir dans les médias, à commencer par les migrants, par exemple, sur la mer Méditerranée, que effectivement, il y a vraiment une quête et en même temps un étonnement, puisque le public, qui a l'habitude souvent de découvrir cette œuvre avant tout à travers des reproductions, est toujours fasciné et impressionné par la taille de cette œuvre dans la réalité, puisque c'est un tableau qui mesure à peu près 5 mètres par 7. Donc c'est une immense toile, l'une des plus grandes des collections, et où tous les personnages sont représentés plus grands que nature. Lorsqu'on est vraiment devant et lorsqu'on a le nez dessus, on est submergé par la puissance de présence de tous ces corps rassemblés et par leur dimension monumentale qui nous rend évidemment d'autant plus infimes et d'autant plus fragiles devant elle. Premier jour à bord. Nous ne crûmes réellement pas dans les premiers instants que nous étions si cruellement abandonnés. Première nuit. Tempête. Les cris des hommes se mêlaient alors au bruit des flots, tandis qu'une mer terrible nous soulevait à chaque instant. Cris, vagues, premier matin. 12 ou 15 malheureux, ayant les extrémités inférieures engagées dans les séparations que laissaient entre elles les pièces du radeau, n'avaient pas pu se dégager et y avaient perdu la vie. 6 suicides. Plusieurs autres avaient été enlevés par la violence de la mer. Reprise de la tempête. Les hommes, par la violence de la mer, passaient rapidement de l'arrière à l'avant. La mer devint très grosse. Et nous fûmes obligés de nous serrer au centre, partie la plus solide du radeau. Passaient rapidement de l'arrière à l'avant. Ceux qui ne purent le gagner périrent presque tous. Jéricho s'empare de cet événement sans doute parce qu'il y voit quelque chose de polyvalent, tout de suite, porteur de beaucoup de sens, mais sans savoir au départ quel épisode exact il allait représenter. Il y a par exemple celui où, au tout début, les naufragés se sont embarqués à bord de ce radeau. Il y a l'épisode où, pendant la première nuit, une tempête très forte a soufflé sur le radeau, balayant déjà des dizaines d'entre eux dans la mer. Un épisode qui représente la mutinerie d'une partie des matelots contre leurs officiers. Ou bien encore des épisodes de cannibalisme beaucoup plus présents que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il a beaucoup hésité, il a recherché l'épisode qui lui paraissait le plus porteur de sens. Son choix s'est porté sur le moment où les naufragés sur le radeau, qui ne sont plus qu'une quinzaine, à l'issue donc de 13 jours de dérive, une quinzaine sur 150 à l'origine, aperçoivent tout d'un coup, au loin, l'horizon, les voiles du brick Largus, donc qui faisait partie de l'expédition. C'était une flottille de, je ne sais plus, à peu près 4 bateaux. Et donc, certains avaient laissé la Méduse derrière eux, la Méduse qui s'était enlisée dans ce banc de sable. Et étant arrivés à Saint-Louis du Sénégal, ils avaient été renvoyés pour aller à la recherche de l'épave. Et dans un premier temps, ils n'ont pas trouvé l'épave, mais ils ont trouvé le radeau. Ils étaient tous extrêmement étonnés de découvrir des survivants sur ce radeau. Ils ne croyaient vraiment pas que quelqu'un puisse survivre à tant de jours de dérive en plein soleil, exposé aux tempêtes, au vent, aux maladies, etc. La composition que Jéricho choisit de faire est assez simple. Elle repose sur une double pyramide. Une pyramide humaine qui est constituée par, disons, des cadavres au premier plan qui assoient la composition, et ensuite un empilement de corps qui prennent appui les uns sur les autres, se prenant par la taille, posant le bras sur l'épaule de leur compagnon, et qui forment, en amoncelant aussi des barriques, des caisses, une pyramide pour essayer d'agiter le plus haut possible un chiffon rouge qui va leur permettre d'être repéré par le bateau dont on distingue les voiles à l'horizon en tout petit. Et puis, à cette première pyramide, se juxtapose une seconde en léger décalage, une pyramide qui, elle, est dessinée par les cordages qui retiennent un mât de fortune. Et cette pyramide, elle, elle est plus vide, elle est plus sombre, elle est constituée de ces voiles déchiquetés et puis de corps beaucoup plus sombres qui sont ramassés autour du mât et qui, eux, représentent certains des officiers, notamment parmi ceux qui ont survécu et qui ont fait ce récit de témoignage, et puis d'autres qui sont dans des affres de folie totale. Le radeau lui-même est posé comme un losange, puisqu'il y a une pointe qui arrive vraiment au tout premier plan. Le spectateur le reçoit en pleine figure lorsqu'il est devant le tableau et qui permet aussi virtuellement au spectateur de monter sur l'embarcation. On a presque l'impression qu'il suffirait de lever la jambe pour monter sur ce radeau avec eux. On baigne vraiment avec eux dans cet enfer. Matin du cinquième jour. Il ne reste que 30 personnes. L'eau de la mer avait enlevé presque entièrement l'épiderme de nos extrémités inférieures. Nous étions couverts ou de contusions ou de blessures qui, irritées par l'eau salée, nous arrachaient à chaque instant des cris perçants. On cherchait Coréa et Savini tout à l'heure. Ah, ils sont là. Oui. Là, c'est Coréa. Et là, Savini. Oui. Je crois qu'on a mis très longtemps à comprendre que Jéricho n'avait pas collé au texte. On a cru qu'il faisait une illustration parfaite du radeau de la Méduse. Bruno Chenic. On a toujours dit, oui, le radeau de la Méduse est un tableau classique parce qu'il est en forme pyramidale. Bon, ok, d'accord, c'est vrai. Les peintres d'histoire apprenaient à composer avec ce système pyramidal qui permettait tout de suite aux spectateurs que nous sommes de repérer le héros principal ou le personnage principal. C'est très efficace, mais c'est un romantique qui pervertit. Et là, le radeau de la Méduse, regardez bien ce système de triangle où nous mène le héros principal à un personnage vu de dos. Dans la peinture d'histoire, un personnage vu de dos, ça n'existe pas. Et en plus, il est de couleur. Alors c'est là où il le manifeste, c'est là où il est le coup de génie de Jéricho. Alors, et là, une fois de plus, on est très très loin de l'histoire de Correa et Savini. Jamais Correa et Savini nous ont expliqué que le héros principal, celui qui avait réussi à se faire apercevoir par l'Argus, était un homme de couleur. Jamais. C'est une pure invention de Jéricho. Ça veut bien dire que Jéricho s'est emparé d'un sujet et qu'il en a fait exactement ce qu'il voulait. Et alors, regardons le tableau. Regardons-le. Bon. C'est beau, ça, hein? Et peut-être... Voilà, comme ça, on le voit bien. Alors, moi, je vous propose trois étapes. Si on accepte que Jéricho est un peintre d'histoire... Ça me semble difficile. J'accepte. Bon, oui. En principe, vous allez au Louvre. Le tableau est monumental, hein, faut pas oublier. C'est pas une vignette. Premier groupe, qu'on a appelé le père et le fils. Alors, le père tenant son fils mort. Voilà. Donc, on a le droit d'imaginer, de croire qu'il vient juste de mourir. Voilà. Donc, le père est là. Il tourne le dos totalement à la scène principale. Et le héros principal, le métis, hein, on expliquera pourquoi, moi je pense que c'est un métis, donc un mélange de couleurs, le blanc, le noir, lui tourne le dos, effectivement, à nous, spectateurs. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, le seul personnage qu'on a réellement face à nous, c'est ce père, éploré par la mort de son fils. Voilà. Donc il incarne le désespoir, lui. Et ce symbole politique... Oui. Quel est-il ? Oui. C'est... Alors le désespoir. C'est dans un détail qu'on peut le voir. Voilà un petit détail. Mais effectivement, vous avez raison de dire que c'est le désespoir parce que il n'y a pas besoin une fois de plus d'avoir une grande formation en histoire de l'art pour comprendre que ce personnage, qui est le plus ancien d'ailleurs, hein, vous voyez, il est gris, de barbe et de cheveux, est complètement désespéré. Voilà. Par contre, il faut pouvoir comprendre ce qu'il symbolise. Oui. Alors, si vous aviez les codes de la peinture d'histoire, immédiatement, vous feriez référence à Saturne, à Cronos, effectivement, à Ugolin. Voilà, donc cette personne qui a dû manger ses enfants pour survivre. Donc voilà, c'est là où est le cannibalisme. Hein, je veux dire, Jéricho a évoqué le cannibalisme grâce à ce groupe du père et du fils mort. Alors vous allez me dire, il n'est pas en train de le manger. Ok, certes, mais déjà, au moins, il évoque Ugolin. Et si on pousse plus loin encore cette allégorie du cannibalisme ? Et si on va plus loin, alors il faut s'interroger sur le sang. Voilà. Comme vous le savez, les naufragés étaient couverts de blessures. Couverts de blessures. Géricault, tout au contraire, nous montre des corps radieux en train de ressusciter. Voilà, c'est la Sixtine de Michel-Ange, résurrection des corps. Par contre, il y a uniquement deux traces de sang sur le radeau de la Méduse. L'une, c'est sur le bras de ce père, où effectivement on voit un bandage avec une trace de sang. Et la deuxième trace de sang, c'est sur la hache, la seule arme blanche qui soit encore sur le radeau de la Méduse. Et effectivement, là, Géricault a bien suivi le texte. À un moment donné, comme ils s'étaient suffisamment entretués, les naufragés, enfin les rescapés, ont décidé de jeter toutes les armes à la mer, sauf une, pour pouvoir trancher les corps et les manger. Voilà. Donc, finalement, vous avez bien que vous avez une évocation du cannibalisme grâce à cette arme blanche couverte de sang et la blessure du père. Alors, la blessure du père, c'est une blessure un peu métaphorique. Il y a ce symbole politique. Voilà. Alors, c'est quoi? Et ben voilà, vous le voyez. Enfin, vous le voyez. Il y en a certains qui ne le voient pas. j'ai fait des conférences devant le radeau de la Méduse et des gens ne le voyaient pas. C'est une croix de Légion d'honneur. Donc, c'est un jeu de dupes. Hein, le jeu politique. On a voulu faire croire que c'était une scène de naufrage. Hein, c'est le titre officiel, voilà. Mais tout le monde sait que c'est le radeau de la Méduse. Alors, qui dit scène de naufrage, c'est une scène atemporelle, avec des naufragés qui sont peut-être grecs, qui sont peut-être africains, qui sont... Enfin, on ne sait pas, puisque c'est atemporel. Et en fait, Géricault signe, enfin, date... son tableau, grâce notamment à la croix de la Légion d'honneur. Ah bah oui, mettre une croix de Légion d'honneur, là, obligatoirement, vous êtes bien obligé de penser que c'est après 1804, 1803, 1804. Et donc, pour dire votre interprétation, vous, c'est ce père portant la Légion d'honneur, blessé au bras, avec son fils mort dans les bras, il symbolise quoi ? Géricault a trouvé cette manière magnifique d'évoquer le cannibalisme, non pas seulement des naufragés du radeau de la Méduse, mais un cannibalisme politique qui est celui, effectivement, de Napoléon. Bon, Napoléon, inutile de vous le dire, son surnom, c'est l'ogre corse. Mais pourquoi ? C'est pas le mot corse qui est gênant, c'est le mot ogre. Il est quand même responsable de combien de centaines de milliers de morts ? Il aurait dû être jugé comme criminel de guerre. Je veux dire, il est responsable de crimes épouvantables. Donc, il a effectivement mangé... tuer les forces vives de la France, de l'Empire. Ceux que la mort avait épargnés se précipitèrent avidement sur les cadavres dont le radeau était couvert. Les coupèrent par tranches et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Cependant, le plus grand nombre d'entre nous refusa d'y toucher. Mais à la fin... cédant à un besoin plus pressant encore que la voix de l'humanité, nous ne vîmes dans cet affreux repas qu'un moyen déplorable de conservation. Et je proposais, je l'avoue, de faire sécher ces membres sanglants pour les rendre un peu plus supportables au goût. C'est là où on se rend bien compte, si on accepte ce genre de lecture, que le radeau de la Méduse est un tableau hautement politique, avec des messages politiques étonnants. Et en tout cas, si... au premier plan, avec un homme qui tourne le dos à l'espoir. Effectivement, Napoléon, c'est plus l'espoir, c'est le passé. Voilà, là, c'est typique d'une allégorie. Il fallait oser dire que donc ce groupe du père et du fils, c'est le passé, c'est la mort, c'est l'empire napoléonien. Le présent, ce sont les naufragés qui sont en train de ressusciter, avec des corps plus ou moins michelangélesque, régénéré, sans aucune blessure, voilà, et le futur serait incarné, effectivement, par ce métis, soutenu par ses camarades blancs, voilà. Donc, c'est effectivement, on a appelé ça le radeau de l'épiderme. Tous égaux, face à la mort, face au malheur. Le meilleur moyen de saper le système colonial, qui n'est basé que sur un système raciste de couleur de peau, c'est effectivement le mélange des races. Voilà. C'est le mélange du blanc et du noir. Et donc ça déstabilise absolument tout le système colonial. Et vous déclarez qu'il y a l'homme, point. Une espèce humaine, point. Et donc, là, évidemment, le radeau de la Méduse est un tableau abolitionniste. Il est évident que les sentiments, disons... libéraux et très humanistes de Géricault étant indubitables, il y avait une dimension abolitionniste dans cette manière de propulser ce personnage noir de peau tout en haut de la composition, agitant en plus un chiffon qui mêle le rouge, le blanc, devant le bleu gris du ciel. Donc les trois couleurs nationales qui étaient interdites à cette époque sous la Restauration parce qu'elles évoquaient la Révolution, la liberté, l'Empire. Voilà, il y a aussi cette résonance, ce souvenir un peu idéalisé de l'élan fédérateur, fraternel de la Révolution qui est en filigrane dans ce tableau. On a tout au fond du radeau, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu compliqué à le voir, même quand on est au Louvre. Voilà. On a la figure de ce noir absolument magnifique qui est en train de regarder vers l'horizon, qui est placé entre Coréard et Savigny, et qui est en train, avec sa main, ou ses deux mains, là, vous voyez, c'est encore compliqué, qui est en train d'entourer des mains jointes. Donc là, les mains jointes, c'est un blanc. C'est ce naufragé-là, qui a un côté assez raphaélesque, qui a clairement les mains jointes. Et vous avez, effectivement, le noir, qui probablement vient enlacer, avec une main ou deux mains, ses mains jointes. Voilà. Là, vous avez une scène de fraternité entre blanc et noir qui évoque le combat abolitionniste. Et quelle a été la réception du tableau ? Le tableau fait beaucoup de bruit. Il est remarqué par le roi Louis XVIII, qui visite le salon et qui d'ailleurs, à cette occasion, est présenté à Géricault. Alors Louis XVIII aime bien les petites phrases spirituelles. Il lui dit « Cher monsieur, vous avez ici peint un naufrage qui n'en est pas un pour vous ». Donc visiblement, le roi lui-même était obligé d'avouer que ce tableau était une réussite esthétique, en tout cas. Mais toujours est-il que le sujet est quand même trop gênant politiquement pour le gouvernement pour qu'il débourse une somme importante pour acheter ce tableau. Par conséquent, Géricault se retrouve avec ça sur les bras. Puis malheureusement, la maladie va le rattraper et il meurt en janvier 1824 en ayant ce tableau roulé dans son atelier. Et donc, ça n'est qu'après sa mort que l'administration des musées royaux va acquérir la toile pour finalement la faire entrer au musée. Et donc c'est comme ça qu'il se retrouve finalement bel et bien au Louvre aujourd'hui. Si le radeau de la Méduse nous parle autant, c'est que Géricault a magnifiquement réussi à faire de cette peinture une icône en fait. C'est même devenu une icône des temps modernes. Voilà. Grâce justement à une composition très subtile. Voilà. Et effectivement qui nous interpelle tous, qui interpelle notre humanité. Je ne sais pas si vous savez, mais les enfants de 3-4 ans sont totalement fascinés par le radeau de la Méduse. C'est quand même étonnant. Ils sont vierges, entre guillemets, de toute peinture d'histoire. Et ils sont, mais, scotchés. Ça veut bien dire, Géricault a réussi vraiment, quelque part, là, à créer une image qu'on a probablement en nous. Espoir, désespoir. Mais finalement, c'est la vie est tout le temps comme ça. Espoir, désespoir, drame, crime, cannibalisme, amour, l'absence aussi, comme vous voyez à l'extrême gauche de la composition, Géricault a quand même tenu à marquer un vide, donc il évoque quand même tous les disparus, tous ceux qui ont été jetés à la mer, blessés, peut-être mangés également, enfin, évidemment que c'est symbole de notre vie, le radeau de la Méduse, et notamment un symbole politique très fort. Avec Jacques-Olivier Boudon, Bruno Chenic et Côme Fabre. Lecture, Pierre-Marie Baudouin. Recherche INA, Aude Vassan. Prise de son, Fabien Gosset, Laurie Vachon, Adèle Caglar. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard. C'était La Méduse, le naufrage du siècle. Deuxième épisode, Le sort tomba sur le plus jeune. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Véronique Samouilov. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question d'une héritière, d'un kidnapping et d'une rançon. Mais c'est une autre histoire.